Le loup-garou lu par K00 pour audiocité.net. Oui, vous êtes des fins-fins, les avocats de Montréal, pour vous moquer des loups-garous. Il est vrai que le diable ne fait pas tant de cérémonies avec vous autres, et qu'il est sûr de son affaire, qu'il n'a pas besoin de vous faire courir la pré-trentaine pour vous attraper par le chignon du cou, à l'heure qui lui conviendra. Voyons, père brin d'amour, ne vous fâchez pas. Et si vous avez vu des loups-garous, racontez-nous ça. C'était pendant la dernière lutte électorale de Richelieu, entre Bruno et Morgan, dans une salle du comité du pot au beurre, en bas de Sorel. Les cabaleurs révisaient les listes et faisaient des cours d'économie politique aux badauds qui prétendaient s'intéresser à leurs arguments, pour attraper, de temps en temps, un petit coup de whisky blanc à la santé de M. Morgan. Dans une salle basse, remplie de fumée, assis sur des bancs grossiers autour d'une table de bois de sapin brut, 25 à 30 gaillards des alentours, causé politique sous la haute direction d'un étudiant en droit qui pontifiait, flanqué de 4 ou 5 exemplaires du Hansard et des derniers livres bleus du ministère d'Ottawa. Le père Pierre-Riche Brin d'Amour en était rendu au paroxysme d'un enthousiasme échevelé et criait comme un possédé. « Hourra pour Monsieur Morgan et que le diable emporte tous les rouges de Sorel! C'est une bande de coureux de loups-garous !» Un éclat de rire formidable accueillit cette frasque du Pierre Pierriche, et comme on le savait bavard, à ses heures d'enthousiasme, on résolut de le faire causer. « Des coureux de loups-garous ? Allons donc, monsieur Brin d'Amour, est-ce que vous croyez encore à ces blagues-là, dans le rang du pot au beurre ?» C'est alors que le vieillard riposta, en s'attaquant au manque de vertu et d'orthodoxie des avocats en général, et de ceux de Montréal en particulier. « Ah ben oui, vous êtes tous pareils, vous autres les avocats !» Si je vous demandais seulement ce qu'est qu'un loup-garou, vous seriez ben en peine de me le dire. Quand je vous dis que tous les rouges de Sorel courent le loup-garou, c'est une manière de parler. Car vous devriez savoir qu'il faut avoir passé 7 ans sans aller à confesse pour que le diable puisse s'emparer d'un homme et lui faire pousser des poils en dedans. Je suppose que vous ne savez même pas qu'un homme qui court le loup-garou a la couenne comme une peau de loup revirée à l'envers, avec des poils au-dedans. Un sauvage de Saint-François connaît ça, mais un avocat de Montréal... Ça peut bavasser sur la politique, mais en dehors de ça, il ne faut pas lui demander grand-chose sur les choses sérieuses et sur ce qui concerne les habitants. « C'est vrai, » répondirent quelques farceurs qui se rangeaient avec le Pierre Pierriche contre l'avocat en herbe. « Oui, tout ça, c'est très bien, » riposta l'étudiant dans le but de pousser Pierriche à bout. « Mais ça n'est pas une véritable histoire de loup-garou. En avez-vous vu, vous, un loup-garou, monsieur Brin d'Amour? C'est cela que je voudrais savoir. « Oui, j'en ai vu un loup-garou. » Pas un seul, mais 25. Et si je vous rencontrais seulement, sur le bord d'un fossé, dans une talle de harde rouge, après 9 heures du soir, je gagerais que vous auriez le poil aussi long qu'un loup. Vous qui parlez, car ça vous embêterait bien de me montrer votre billet de confession. Le plus que ça pourrait être, ce serait un mauvais billet de Pâques, de renard. Ah, on vous connaît les gens de Montréal. Faut pas venir nous pousser des pointes, hein, parce que vous êtes plus éduqués que nous autres. Oui, oui, tout ça c'est bien beau. Et c'est pour nous endormir que vous blaguez comme ça. Allez dire ça aux gens de Bruno. Ce qu'il me faut, moi, c'est des preuves. Et si vous savez une histoire de loup-garou, racontez-la, car on va finir par croire que vous n'en savez pas et que vous voulez vous moquer de nous autres. Oui, da, oui. Eh ben, j'en ai une d'histoire, et je vais vous la conter. Mais à une condition. Vous allez nous servir un gallon de whisky d'élection parce que nous buvons à la santé de Monsieur Morgan, notre candidat. La proposition fut agréée, petit lait électoral fut versé à la ronde, haussant d'un cran l'enthousiasme déjà surchauffé de cet auditoire désintéressé. Et après avoir constaté qu'il ne restait plus une goutte de liquide au fond de la mesure de gallon qu'on avait placée sur une pile de littérature électorale au beau milieu de la table, Pierre-Riche Brin d'Amour prit la parole. « Ce n'est pas pour un verre du whisky du gouvernement que je voudrais vous conter une menterie. Il me faudrait quelque chose de plus sérieux que ça, que je mette en conscience en temps d'élection. » Les gros bonnets se vendent trop cher, à Ottawa comme à Québec, pour que les gens du comté de Sorel passent pour gâter les prix. Je vous dirai donc la vérité, et rien que la vérité, comme on dit à la cour de Sorel, quand on est appelé comme témoin. Pour les loups-garous, j'en ai vu assez pour faire un régiment, dans mon jeune temps, lorsque je naviguais, l'été, à bord des bateaux, et que je faisais la pêche aux petits poissons, l'hiver, au chenaux des Trois-Rivières. Mais je vous le dirai bien que je n'en ai jamais délivré. J'avais 12 ou 13 ans. Et j'étais cook à bord d'un chaland avec mon défunt père qui était capitaine. C'était le jour de la Toussaint, et nous montions de Québec avec une cargaison de charbon par une grande brise de nord-est. Nous avions dépassé le lac Saint-Pierre, et sur les 8 heures du soir, nous nous trouvions à la tête du lac. Il faisait noir comme le loup, et il brumissait même un peu, ce qui nous empêchait de bien distinguer le phare de l'île de Grâce. J'étais de vigie à l'avant, et mon défunt père était à la barre. Vous savez que l'entrée du chenal n'est pas large, et qu'il faut ouvrir l'œil pour ne pas s'échouer. Il faisait une bonne brise, et nous avions pris notre perroquet et notre hunier, ce qui ne nous empêchait pas de monter grand train sur notre grande voile. Tout à coup, le temps parut s'éclaircir, et nous aperçûmes sur la rive de l'île de Grâce, que nous rasions en montant, un grand feu de sapinage autour duquel dansaient une vingtaine de possédés, qui avaient des têtes et des queues de loup, et dont les yeux brillaient comme des tisons. Des ricanements terribles arrivaient jusqu'à nous, et on pouvait vaguement apercevoir le corps d'un homme couché par terre que quelques maudits étaient en train de découper pour en faire du fricot. C'était une ronde de loups-garous que le diable avait réunie pour faire boire du sang de chrétiens et leur faire manger de la viande fraîche. Je courus à l'arrière pour attirer l'attention de mon défunt père et de Baptiste Lafleur, le matelot qui naviguait avec nous, mais qui n'était pas de quart à ce moment-là. Ils avaient déjà aperçu le pique-nique des loups-garous. Baptiste avait pris la barre, et mon défunt père était en train de charger son fusil pour tirer sur les possédés qui continuaient à crier comme des perdus, en sautant en rond autour du feu. Il fallait se dépêcher, car le bateau filait de bon train devant le nord-est. « Vite, Pierriche, vite! Donne-moi la branche de rameau béni qu'il y a dans la tête de mon lit, dans ma cabine. Tu trouveras aussi un trèfle à 4 feuilles dans mon livre de prière, et tu prends 2 balles et sauce-les à l'eau bénite. Vite, dépêche-toi !» Je trouvais bien le rameau béni, mais je ne pus mettre la main sur le trèfle à 4 feuilles, et dans ma précipitation, je renversai le petit bénitier sans pouvoir saucer les balles dedans. Mon père pulvérisa le rameau sec entre ses doigts et s'en servit pour bourrer le fusil. Mais je n'osais pas lui avouer que le trèfle à 4 feuilles n'était pas là et que je n'avais pas mouillé les balles dans l'eau bénite. Il mit 2 balles dans le canon, fit un grand signe de croix et visa dans le tas de mes crayons. Le coup partit, mais c'est comme s'il avait chargé son fusil avec des poids, et les loups-garous continuèrent à danser et à ricaner en nous montrant du doigt. « Les maudits !» dit mon défunt père. « Je vais essayer encore une fois. » Et il rechargea son fusil, et en guise de balle, il fourra son chapelet dans le canon. Et paf ! Cette fois, le coup avait porté. Le feu s'éteignit sur la rive, et les loups-garous s'enfuirent dans les bois, en poussant des cris à faire frémir un cabaleur d'élections. Les graines du chapelet les avaient évidemment rendus malades, et les avait dispersés. Mais comme c'était un chapelet neuf et qu'il n'avait pas encore été béni, mon défunt père était d'opinion qu'il n'avait pas réussi à les délivrer et qu'il irait sans doute continuer leur sabbat sur une autre pointe de l'île. Ce qui avait empêché le premier coup de porter, c'est que le fusil n'avait pas été bourré avec le trèfle à 4 feuilles et que les balles n'avaient pas été plongées dans l'eau bénite. « Hein? Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur l'avocat? J'en étais pas vu des loups-garous ?» continue Pierriche Brindamour. « Oui, l'histoire n'est pas mauvaise, mais je trouve que vous les avez vus un peu de loin et qu'il y a bien longtemps de ça. Si la chose s'était passée l'automne dernier, je croirais que ce sont les membres du club de pêche de Faneuf et de Joey Riendo, de Montréal, que vous avez aperçus sur l'île de Grâce en train de courir la galipette. Vous avez dit vous-même que tous les rouges étaient des coureux de loups-garous. Et vous savez bien, monsieur Brindamour, qu'il n'y a pas de bleu dans ce club-là. Ah, vous vous moquez de mon histoire, sans doute que c'était en temps d'élection, et que j'avais pris un coup de trop de whisky du candidat de ce temps-là. Eh bien, arrêtez un peu. Je n'en ai pas fini, et j'en ai une autre que mon défunt père m'a racontée, ce soir-là, en montant à Montréal à bord de son bateau. C'est une histoire qui lui est arrivée à lui-même, et je vous avertis d'avance que je me fâcherai un peu sérieusement si vous faites semblant d'en douter. Mon défunt père, dans son jeune temps, faisait la chasse avec les sauvages de Saint-François, dans le haut du Saint-Maurice et dans le pays de Matawan. C'était un luron qui n'avait pas froid aux yeux, et entre nous, je peux vous dire qu'il n'haïssait pas les sauvagesses. Le curé de la mission des Abénakis l'avait averti 2 ou 3 fois de bien prendre garde à lui, car les sauvages pouvaient lui faire un mauvais parti s'ils l'attrapaient à rôder autour de leur cabane. Mais les coureurs des bois, de ces temps-là, ne craignaient pas grand-chose, et ma foi, vous autres, les Godelureaux de Montréal, vous savez bien qu'il faut que jeunesse se passe. Mon défunt père était donc parti pour aller à la chasse aux castors, aux rats musqués et aux carcajoux, dans le haut du Saint-Maurice. Une fois rendu là, il avait campé avec les Abénakis, et sa cabane de sapinage était à peine couverte de neige qu'il avait déjà jeté l'œil sur une belle sauvagesse qui avait suivi son père à la chasse. C'était une belle fille, une belle. Mais elle passait pour une sorcière dans sa tribu. Et elle se faisait craindre de tous les chasseurs qui n'osaient l'approcher. Mon défunt père, qui était un brave, se piqua au jeu. Et comme il parlait couramment sauvage, il commença à compter fleurettes à la sauvagesse. Le père de la belle faisait des absences de 2 ou 3 jours pour aller tendre ses pièges et ses attrapes. Et pendant ce temps-là, les choses allaient rondement. Il faut bien dire que la sauvagesse était une païenne qui n'allait pas à l'église de Saint-François, et on prétendait même qu'elle n'avait jamais été baptisée. Pas besoin de vous dire tout au long comment les choses se passèrent, mais mon défunt père finit par obtenir un rendez-vous à quelques arpents du camp, sur le coup de minuit, un dimanche soir. Il trouva bien l'heure un peu singulière et le jour un peu suspect, mais quand on est amoureux, on passe par-dessus bien des choses. Il se rendit donc à l'endroit désigné, avant l'heure, et il fumait tranquillement sa pipe pour prendre patience lorsqu'il entendit du bruit dans la fardoche. Il s'imagina que c'était sa sauvagesse qui s'approchait, mais il changea bientôt d'idée en apercevant 2 yeux qui brillaient comme des feux follets et qui le fixaient d'une manière étrange. Il crut d'abord à un chat sauvage ou un carcajou, et il eut juste le temps d'épauler son fusil, qu'il ne quittait jamais, et d'envoyer une balle entre les 2 yeux de l'animal, qui s'avança en rampant dans la neige et sous les broussailles. Mais il avait manqué son coup. Et avant qu'il eût le temps de se garer, la bête était sur lui, dressée sur ses pattes de derrière et tâchant de l'entourer avec ses pattes du devant. C'était un loup, mais un loup immense, comme mon défunt père n'en avait jamais vu. Il sortit son couteau de chasse et l'idée lui vint qu'il avait affaire à un loup-garou. Il savait que la seule manière de se débarrasser de cette maudite bête-là, c'était de leur tirer du sang en leur faisant une blessure dans le front en forme de croix. C'est ce qu'il tenta de faire, mais le loup-garou se défendait comme un damné qu'il était, et mon défunt père essaya vainement de lui plonger son couteau dans le corps, puisqu'il ne pouvait parvenir à le délivrer. Mais la pointe du couteau plia à chaque fois, comme s'il eût frappé dans un côté de cuir à semelle. La lutte se prolongeait, et devenait terrible et dangereuse. Le loup-garou déchirait les flancs de mon défunt père avec ses longues griffes lorsque celui-ci, d'un coup de son couteau, qui coupait comme un rasoir, réussit à lui enlever une patte de devant. La bête poussa un hurlement qui ressemblait à un cri de femme qu'on égorge et disparut dans la forêt. Mon défunt père n'osa pas le poursuivre, mais il mit la patte dans son sac et rentra au camp pour panser ses blessures qui, bien que douloureuses, ne présentaient cependant aucun danger. Le lendemain, lorsqu'il s'informa de la sauvagesse, il apprit qu'elle était partie, pendant la nuit, avec son père, et personne ne connaissait la route qu'ils avaient prise. Mais jugez l'étonnement de mon défunt père, lorsqu'en fouillant dans son sac pour y chercher une patte de loup, il y trouva une main de sauvagesse, coupée juste au-dessus du poignet. C'était tout bonnement la main de la coquine qui s'était transformée en loup-garou pour boire son sang et l'envoyer chez le diable sans lui donner seulement le temps de faire un acte de contrition. Mon père ne parla pas de la chose aux sauvages du camp. Mais son premier soin, en descendant Saint-François, le printemps suivant, fut de s'informer de la sauvagesse qui était revenue au village, prétendant avoir perdu la main droite dans un piège de carcajou. La scélérate était disparue et courait probablement le farfadet parmi les renégats de sa tribu. Voici mon histoire, monsieur l'incrédule, termina le père Pierriche, et je vous assure qu'elle est diablement plus vraie que tout ce que vous venez de nous raconter à propos de Lector Langevin, de Monsieur Morgan et du petit Baptiste Guévrenot. Tâchez seulement de vous délivrer de Bruno, comme mon défunt père s'était délivré de la sauvagesse, mais s'il en faut croire Baptiste Rouillard, qui cabale de l'autre côté, j'ai bien peur que les rouges nous fassent tous courir le loup-garou le soir de l'élection. En attendant, prenons un autre coup à la santé de notre candidat et allons nous coucher. Chacun chez nous.